carton. La rue c'est désormais sa maison. Tout le monde lui a tourné le dos. Famille, amis, après le boulot. Il ne lui reste aujourd'hui plus rien que des souvenirs et puis un chien devenu son compagnon de route pour toutes ses heures de blues et de doute. Il ne veut pas qu'on pleure sur son sort. Il veut y croire encore et encore qu'il vivra de nouvelles aurores. Mais qu'est-ce que la vie lui propose? Rien qu'un avenir incertain, des matins froids et pas très roses, après des jours, des nuits de faim. Pas de pitié en overdose, faut juste lui tendre la main. Quand toutes les portes sont closes, lui trouver des bleus lendemains. Il préfère dormir sur le trottoir quand vient l'hiver et qu'arrive le soir. Il refuse même le toit d'un dortoir. Pour lui, sans son chien, c'est dérisoire. Alors il continue son chemin. Il conjugue au futur son destin. Et dans sa tête, une seule certitude, revivre toutes nos habitudes. Il ne veut pas qu'on pleure sur son sort. Il veut y croire encore et encore qu'il vivra de nouvelles aurores. Mais qu'est-ce que la vie lui propose? Rien qu'un avenir incertain, des matins froids et pas très roses, après des jours, des nuits de faim. Pas de pitié en overdose, faut juste lui tendre la main. Quand toutes les portes sont closes, lui trouver des bleus lendemains. Qu'est-ce que la vie lui propose? Rien qu'un avenir incertain, des matins froids et pas très roses, après des jours, des nuits de faim. Pas de pitié en overdose, faut juste lui tendre la main. Quand toutes les portes sont closes, lui trouver des bleus lendemains. Lui trouver des bleus lendemains. Votre radio des mondes en Mazac, c'est Radio Open FM. À retrouver aussi sur radioopenfm.fr. Ah oui. Et t'as mis en haut. C'est que la première, il faut la monter. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue en sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Bonjour, bonjour. Alors, il y a Maria qui m'a dit de dire quelque chose tout à l'heure, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie sur votre radio Open FM 97.9. Les Voix du Portugal, votre émission du dimanche matin en direct. Et on est content de vous avoir ce matin. Il fait beau, il fait chaud. Nous sommes heureux d'être là. N'est-ce pas, Maria? Tout à fait, tout à fait. Bon dia a todos. Estão nas vozes do Portugal, na www.radiopenfm.fr 97.9, a rádio dos Montes de Ambazaca. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Rien. Oh, mais c'est pas possible, celui-là. Il rigole tout le temps. C'est aux Montes de Ambazaca. Oui, ben c'est bon. Os montes. Os montes. D'accord. É como traz os montes. Oui, c'est ça. Bom, podem ouvir das 9 ao meio-dia na www.radiopnfm.fr e podem chamar também ao 05 55 56 21 44 para as dedicatórias neste dia especial em França, Dia de Mães. Bonne fête à toutes les mamans, hein? Et oui, c'est la fête des mères aujourd'hui. Ah oui. Et oui. C'est ça que t'avais oublié? Et non. Ah bon? Non. Et ben voilà, hein, donc en ce jour spécial, si vous avez des petites dédicaces, c'est 05 55 56 21 44 pour la fête des mamans, toutes les dédicaces qu'on attend, hein. Et puis merci à tous ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Donc, on va partir en musique. Je ne sais pas ce qu'il a choisi pour le départ. Donc, c'est lui qui a choisi. Moi non plus. Je sais pas ce que j'ai choisi. Oh, c'est pas possible ça. Non, il n'est pas possible. Bien sûr, on dit bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le chat avec nous. Voilà, bon dia Nuno Silva. Bon dia Marie Pils. Voilà, cousin Fabien. Qui c'est qu'il y a d'autres? Oh là, il y en a déjà plein, donc bonjour à tous, hein, y a pas de soucis. Oui, je vois pas tout le monde, mais bon, il y a du voilà. Monde. Oui, il faut pas tous les nommer, on dit bonjour à tous et ça y est. Mais si, il faut tous les nommer. Ah bon? Oui. Mais au fur et à mesure, c'est mieux. Bonjour Marie-Claude, hein, qui vient de nous rejoindre. Ah oui, tiens, elle est pas celle-là. Non, mais elle vient juste... Bon, allez. On part en musique, bon, allez, amis. Envoie une petite musique déjà et puis on verra après. Hein. Oui. Donc voilà. Allez, c'est qu'est-ce pas. Que tu nous mets? Qu'est-ce que je mets? Ah, oh, je mets, t'sais, je vais mettre 3 ou 4 chansons des années. Vas-y. Allez, c'est parti. On adore ça. Roberto Carlos. Et oui. Allez. On se maintient. Oui, je sais pourquoi. Oui. Ah ben voilà, il fallait le dire. C'est normal. Oui, c'est normal. Il faut s'habituer. C'est ça. Eu quero ser sua canção, quero ser seu nome. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a tua inteira. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira. Pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberar sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas que... Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Bom dia, Cândida dos Santos. Bom dia, Cândida. Bom dia, Cláudia. Luiz Felipe Reis. Bom dia a todos. Ninguém tem o teu perfume, o teu sorriso e aquele olhar. Ela já nasceu assim, num jardim à beira-mar. Ela é tão carinhosa, tão amorosa, não há igual. E nem sequer tem vaidade, só tem saudade. Canta Maria. Essa e mais calor que a mulher da minha vida só pode ser uma flor portuguesa. É por l'instant, Nord du Soleil. Esquecer nesta minha canção a França. Eu dei a minha vida e dei o meu amor. Eu levei a saudade, eu levei o calor e a esperança. E o meu obrigado é para todos vocês. Por este mundo fora há sempre um português. E eu quero. Obrigado, portugueses, minha gente como eu. Obrigado, portugueses, portugueses como eu. Obrigado, portugueses. Bonjour Rostef. Ça c'est fait. Hey Roberto Leal. Arbitre. Alla Canta Maria. Bonita, arbita, arbita, arbita. Ai, que chapa, se que é bonita. Arbita, arbita, arbita. Casei com uma Gabriela, por ela ter muita guita. Agora minha Jesus. Arbita, arbita, arbita. Ai, que chapa, se que é ser bonita. Arbita, arbita, arbita. Ai, que chapa, se que é ser bonita. Arbita, arbita, arbita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vê chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Bom dia, Silvi. Merci Nuno Silva. Muitas histórias que acontecem comigo. Merci Rostef. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lá preta. Depois comprei um carro, parei. Roberto Carlos. Calambeck. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Split Splash. Split Splash. Mas essa história também é interessante, mano. Meu Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi, bibi, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Cadillac, bibi. Quero buzinar o Cadillac, bibi, bibi, bibi. Da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, fuzilei assim o Calhambeck, bibi, bibi, bibi. E logo logo uma garota que sinal falhou parar. No meu Calhandec fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhandec me deu. Os outros quis andar no Calhandec. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Na rádio Open FM 97.9. Pelo caminho, falavam que estouro, que beleza de carrinho. Fui me acostumando e do caramba, fui gostando. Calhandec, bibi, quero conservar o Calhandec, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar. Quelque chose? Oh non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, non, pas du tout. Fais comme chez toi. Hein. Non, non, pas du tout. Non, bon. Et voici une petite dédicace pour Rostef, Marie-Claude. Bonjour à notre ami Denis Britt. Je vous dis son petit message. Saoud Mout au Vince. Bom dia, Angélique. Chegou segunda-feira, tenho que trabalhar. Ainda estou muito cansado, não me quero levantar. Tenho que ir para o chantier e os homens buscar. Levar o material para o Manel não ralhar. Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher. Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talher. O cimento já está pronto e a truela dos cães nos vai pagar. Vá trabalhar, vá ganhar. Vamos, vamos para o chantier com a colher. A vida é dura e custa ganhar. Ah, ça se voit qu'il fait... Hey, oui. Le soleil les fait sortir du lit. Sempre a galhar com uma manobra, acaba a obra, é dia de Michuí. Vai buscar a baguete da caminhonete. O Zé já está com os copos, ele só quer descansar. Chega o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar. A vida no chantier não é fácil de levar. É o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos, vamos para o chantier. Rostef, il en sait quelque chose. On y va, prenez vos os. La trouelle, la taloche. Et va. On y va, elle et moi. Manel et moi. On y va. Magdagai, na Rádio PNFM 97.9, as vozes de Portugal. Aí agora vamos ouvir um beijinho da boca. Denis Britt. Para ver para ver se chega ao coração, na boca, se for na cara, pode. E logo te pedi, ai de mim, quero o teu amor. Mas um beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Um beijinho na boca, se for na cara pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca, se for na cara. Há de nunca te amar. Mas quando logo senti que tudo ia mudar. Estou apaixonado. Ver só isto só vai mudar. Um beijinho para ver se beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho para cair no chão. Dá-me um beijinho na boca para ver beijinhos, se for na cara pode cair no chão. Denis Britt. Beijinho na boca. Ei! Dá-me um beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca, se for na cara pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca, se for na cara pode cair no chão. C'est qui? Dis vite. O quê? Salut ma cousine Nathalie, bisous. Aya, est-ce que tu me plais? Excuse-moi. Non, mais je pensais que t'allais lui écrire en fait. Ah, c'est de rentrer un truc sur GPS. Attends. Michael Salgado. Hoje é noite de folia, vou cantar até ser dia e dançar até mais não. Te cherche, te cherche. Com amorinho ou até com a loirinha, eu danço. Me te trouve pas. A minha consciência toma este baile, do a dançar vai ser toda noite a cantar. Ai, como é que é? C'est grâce à moi, Nuno, c'est moi, je l'ai dit, hein. Avec plaisir, Noun. Pour faire une, du coup. Attends, on voit ça. Du coup, on sait pas qui c'est. Non, mais moi, j'aime bien savoir qui. Oui. D'accord. Tant pis. Allô. T'as bien entendu. À ma maman et à la tienne, du coup. Oui. Donc, c'est déjà dans ma famille. Ah, d'accord. Donc, c'est pas dans la mienne. Non. Alors, tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que Mario va nous faire une crise, là. Mais j'aurais pas pensé de pleurer. Voilà. C'est un petit retour pour moi, donc voilà, je vois que vous continuez bien. Ah, Maria. Ah, bonjour Cécile. Et j'appelais aujourd'hui une petite dédicace à ma maman, en espérant qu'elle va... Parce que voilà. Oui, bon, écoutez, tu sais bien, un peu donc, beaucoup. Donc voilà, quoi. Ok. Bien. Si, je l'ai tout de suite, puisqu'il nous le croit. Donc, de Thiago, voilà. Donc, on va... Et puis, nous, on aura une... Voilà, ben, eh ben, attends, ciao. Tu veux pas revenir? S'il te plaît. On verra. Bisous. Allez, bisous, ciao. Bonne journée, ciao. Toda roupa, como fugir? Eu sei. Alves. Bom dia, bom dia. C'est la... Excuse-moi, j'étais... Donc voilà, oui, c'est donc Juan Thiago. Et le titre... Bah alors, tu sais pas... Sainte... Casse pour les mamans. Voilà, Maï, Sainte. Et pour isso que eu não ri, morto eu não vou nunca entender. Quero ter-te sempre aqui com um sorriso em teu olhar. E para sempre te abraçar. Se eu te perder, eu vou chorar. Eu não quero ver o dia da partida ter vazio. FM 97.9. N'hésitez pas à nous appeler pour vos dédicaces au 05 55 56 21 44. Et merci à tous les auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait plaisir. Les voix du Portugal de 9h à midi. Manuel. Les voix du Portugal, c'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir d'être ici. Alors, on se disait tout à l'heure, voilà, on se disait que toute personne sont les bienvenus au studio et pourquoi pas venir animer avec nous. Oui, on cherche un ou deux animateurs de plus, ça serait bien. Voilà. Ça mettrait un peu plus d'ambiance. Exactement. Comme la semaine dernière, c'était bien. Oh oui. Mais bon, je reconnais que se lever le dimanche matin, c'est un peu embêtant, mais bon. Après, on passe un bon moment, hein. On ne voit pas la matinée passer, mais bon. Mais nous, on le fait bien. Grâce hein. à vous. Nous, on le fait bien, on se lève bien le matin pour venir à la radio. Oui, c'est. Voilà. Tu vois, c'est. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça, donc. Ah oui, oui. Et bientôt la retraite. Et oui. Bon, donc, ce qu'on voulait dire, en fait, c'est que n'hésitez pas, si vous voulez venir partager un bon moment avec nous, il n'y a pas de souci. Alors, ceux qui veulent venir, justement, c'est Radio Open FM, 27 rue de la Barre, à Ambazac, bien sûr. C'est bien. tu vois. Allez, on repart en musique. Carlos Manuel. Ah, j'ai oublié un petit truc pour régler vos pendules, je ne vous l'ai pas dit encore ce matin, il est 10h02. Si on est là, c'est que ça fait un moment qu'on est là. Hein. Oui. Puisqu'on arrive à 9h. Ah bon ? Enfin, un peu plus tôt pour nous. Oui. Le temps de préparer l'émission. Aussi Nounou, c'était en route ce truc là, y a pas une émission sans ça, c'est pas possible, du coup je la mets juste après. Tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes. Eu nem sei o que me fizeste para me fazer Allez, c'est parti, signor Nuno Silva. T'as dit quoi? Au staff? Ah si, si tu viens les chercher. Ah, ils ont deux autocollants. Il est sur la nouvelle. La musique de Nuno Silva et toutes portugaises. Você que nunca era voltado, sou me jogo agora. Que te mente, no concurso de freira, por uma purpura e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua mãe, que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca mijou, me eu que te fu, que no cu, no corpo, no cu, te tornaste uma pu. E o gago me falou que fofo foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou em mim, e só me mijou e me jogou. Eu que te futuramente no cucu, no concurso de freira, uma fufu. Il t'a mis carrément le medley. Pour se faire plaisir dans la vie. Sara, non me lèves à l'opura. Sara, eu te amo com tonura. Sara, não me lèves à l'opura. De tanto sofrer por mim. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, c'est Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bienvenue chez vous. Vejo bater na tua porta, só não sei bem a hora, nem o que vou dizer. Mas quando esse momento chegar, não sei se vou aguentar, se vou conseguir conter a minha vontade de te beijar. Allez, on est revenu en direct sur la page Facebook Les Voix du Portugal. Bonjour à Miguel et Palmira. Olá, bom dia, Kátia. Sabe o quê? Alors, vous êtes bien sur le www. Ça y est, ça va mieux. Mais quand ce moment chegar, não sei se vou aguentar, se vou conseguir conter a minha vontade de te beijar. Ou se vou ficar só por te ver. Falar. Ah, dis-toi, ça, ça, ça, ça. Les corps deviennent. Les corps deviennent tout gris. Eu me quero nos teus braços. Katia en mode Portugal que vous pouvez retrouver tous les vendredis soirs de 20h à 22h. Vous allez sur la page Facebook, vous tapez en mode Portugal et voilà, vous verrez Katia. Oh, convida-me a entrar, eu me quero nos teus braços. eu dou. Sim, sim, sim, a resposta é sim. Se o meu coração a ti ama. Sim, sim, sim, a resposta é sim. De Viana do Castelo. Viana do Castelo, il faut se connecter no ordinateur. Tem que ligar no computador o www.radiopnfm.fr. Voilà, Nuno, está tudo explicado. Ai. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo, eu te darei o meu. É teu e quero tanto que me digas que o teu amor será só meu. José Alberto Rey. Essas rosas de amor. Bonne fête à toutes les mamans. Esses versos de ça, c'est encore une chanson pour la pétanière. Quem escreveu as noites a chorar. Quem sofreu fui só eu. Essas rosas de amor. Quem te deu esses versos de amor. Quem escreveu as noites a chorar. Quem sofreu fui só eu. Contigo o sol brilhou. Meu coração cantou com sentimento. Que feliz tu me fazias quando para mim sorrias a todo momento. Mas um dia sem eu saber acabei por te perder. Foi grande desilusão. Esqueceste o que eu fiz por ti. O amor que te ofereci. Toda a minha paixão. Essas rosas de amor. Quem te deu? Esses versos de amor. Quem escreveu? As noites a chorar. Quem sofreu? E sou eu. Essas rosas de amor. Quem te deu esses versos de amor. quem escreveu as noites a chorar, quem sofreu fui só eu. Contigo sempre sonhei. Oui, Nuno Silva, il faut demander à rentrer, à être membre du groupe Les Voix du Portugal, ouais, voilà. Sur Facebook. Et une fois qu'il est membre, il pourra écrire tout comme toi et les autres. Voilà. Et voilà. Qu'on acceptera, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Allez. Ah, ça y est, on l'a. Je crois qu'on a la demande, attends. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Tout à fait, c'était elle. Donc je vais accepter, c'est bon, elle peut nous rejoindre. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu, fui só eu. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? Salut Fabrice, ça va bien, merci. De Carlos Nunes, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Ouh là là, ça faisait longtemps. Il s'est dit, je vais ouvrir la fenêtre. il fait beau. Il a du mal à se lever. C'est ça. Deixa olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem pão são aves. Radio. Et tout de suite là. Dédicace pour ma petite chérie, évidemment. Et ma fille qui est en bas, et surtout pour vous deux aussi. Là, je crois qu'on est passé en direct, tu vois. Il me fait de ces choses ce matin. On est en direct. On est en direct, tout à fait. Excuse-moi. Bon, bah, bonjour. Moi, j'écoutais dans le téléphone. Je dis, mince, il nous m'a encore coupé. Eh ben non, c'est qu'on est passé en direct. Ah mince, alors. Et je me suis trompé de bouton, peut-être. Peut-être, bonjour, mais bon, allez, on va aller en direct. Et... Allez, vas-y, fais ta petite dédicace. Bonjour, madame. Bah, moi, j'appelais pour la petite annonce. Hein. Vous recherchez deux DJ... professionnels. Enfin, des DJ, des animateurs, s'il te plaît. Des animateurs professionnels, oui. Alors, on a un nom assez spécifique, on est un peu dans la plomberie, il y a petit et grand robinet. Ah oui, c'est petit et grand robinet, mais ceux-là, on pourra les avoir qu'une fois par mois, d'après ce que j'ai compris. Ah bah, on viendra plus souvent, hein. De toute façon, hey, là, il fait beau, là, on peut se déplacer beaucoup plus. Et, ah, mais c'est génial. Avant tout, vous remercier déjà de l'accueil qu'on a eu, donc ça a été génial. Et bon, on était très satisfaits de partager ces moments qui sont vraiment géniaux avec vous. Et puis voilà quoi, donc nous aussi on vous remercie d'être venus, hein, non, de c'est... toute façon, parce que vous venez de loin, mais vous venez. Oui, mais on est venu avec l'appartement. Oui, c'est ça. Vous pouvez vous déplacer en plus avec votre appartement et tout. Et puis moi, ben la prochaine fois que vous descendez, je remonterai avec vous d'après ce qu'on m'a dit. J'y avais pas du tout pensé, mais bon, voilà. Il y a de la place. J'aurais passé une petite semaine avec vous. Tant qu'à faire, hein. Je vais aller visiter. Je connais pas du tout la Normandie. C'est du côté ouest, nord-ouest. Alors, on n'est pas sur la côte d'Azur, on est sur la côte normande. Mais je sais, t'inquiète. On a du bon camembert, il y a du bon calvados. Non, la côte d'Azur, c'était moi il y a quelques temps, mais bon, maintenant je suis plus. Ah, on s'amuse moins là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont plus ? Ils ont Cannes, ils ont Nice. Bon, tu sais, à part le soleil, hein, bon, c'est une ville comme une autre, le soleil, la mer. Et ben, on l'a, voilà, le soleil, ici, on l'a, on l'a. Aujourd'hui, eh ben, dis-moi. Bon, ah, nous aussi, aujourd'hui, il fait beau. Mais tu vas te taire 2 minutes, oui, tu peux me laisser parler. Oui. Non, je ne le laisse pas parler parce qu'il veut parler à petit robinet. Non. Il veut parler à petit robinet. Ah non. Alors, je vous fais un gros bisou et je vous fais un petit robinet. Non, non, non, attends, t'as ta dédicace à faire. Attends, il veut te parler. Non, Oui, allô, bonjour. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais, et moi, je m'en vais. Hein. Non, il voulait parler à Fernando, il est vexé. Mais non, parler à Fernando. Non, je voulais juste te dire en fait que là-haut, ils ont le calva, alors qu'en bas, ben, ils n'ont rien. Ah, enfin, ils n'ont même pas de calva. Voilà. Mais si tu veux, je passe à Fernando. Non, ça y est, c'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire. Non, mais c'est bon, je dis pas. J'ai dit ce que j'avais à dire, en fait, voilà. En fait, c'est Non, mais c'est Maria, elle a tout fait foirer ce matin. Mais non, oh, vas-y, vas-y. Mario, pas du tout, pas du tout. T'as vu, on pourrait faire une pièce tous les quatre, là, tu vois. Je sens le coup, là, tu vois. Il y a des choses qui peuvent marcher. Là, ça marcherait bien. au théâtre ce matin. Avant, c'était au théâtre ce soir. Maintenant, c'est au théâtre c'est ce matin. C'est au théâtre ce matin. Exactement, exactement. Bon. Alors, dis-moi. Oui. Alors, à qui tu veux parler? Tu voulais parler à Fernando? Non, mais en fait, je viens de le dire. En fait, je disais que là-haut en Normandie, ils ont le calva, comme dit Fernando, et qu'en bas, ben, ils en ont pas. Voilà. Non, mais ils ont d'autres choses. La prochaine fois, on en ramènera, tu verras, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a aussi du cidre, mais enfin, perso, il y a trop de bulles dans le cul. Ah oui. Bah écoute, j'en ramènerai, c'est sûr. Tiens, ben, il y avait petit robinet qui voulait te parler, en même temps que j'ai retiré le téléphone. Ah. Oui, mais t'as pas fait ta dédicace. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben écoute, je vais la faire maintenant, alors. Ah, voilà. Alors, c'est avant tout, c'est donc comme c'est la fête des mamans, alors c'est une dédicace pour toutes les mamans du monde, avant tout. Merci. Parce que c'est vraiment des... Ben écoute, ce que je peux dire, c'est la personne qu'on a plus dans notre cœur, hein, ça va. Donc en particulier, ça va être pour la mienne, parce que je lui fais un énorme bisou, parce que, mon Dieu, qu'elle m'a supporté pendant des années et rien que pour ça, je crois qu'elle mérite qu'elle a le droit à la médaille du courage. Elle me supporte encore. La médaille d'or du courage. Oh oui, oui. Mais tous, elles sont courageuses. Donc, un énorme bisou pour vous tous. Je vais vous laisser le choix de la chanson. Et aussi, faire une dédicace pour ma petite chérie qui, elle, me supporte aussi. Donc, rien que pour ça aussi, elle mérite une autre médaille. Et pour ma fille et pour vous, évidemment, pour toi et pour Mario, pour Maria, donc Edithi de Open FM. Eh ben merci bien, beaucoup. Fernand. Merci beaucoup. Je vais la choisir, comme tu as dit, je vais regarder ce que je peux mettre. Oh, je suis sûr que tu vas avoir un choix, un super bon choix. Voilà, j'espère. Moi, de mon côté, je vais vous faire un énorme bisou et je vais vous passer donc Betty pour le mot de la fin. D'accord, ça marche? Ça marche. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, bisous. Fernando. Allô, Betty. Allô, Betty. Allô, Betty. Allô, Betty Robinet. Bonjour Mario, bonjour ma chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va, avec un bon soleil, ça va aller. Bon, j'ai prévu une dédicace pour toi, mais j'attends de la trouver parce que je la trouve plus et dès qu'elle arrivera, il me dira. Je m'en rappelle plus ce que c'est. Ah d'accord, merci, c'est très très gentil de ta part. C'est pas grave. Bon dis-moi. Je vais te souhaiter une grande fête oui, de mère. Oui, pareillement pour toi, hein. Et je voulais quand même faire une dédicace à ta maman principalement à la mienne qui est au Portugal. Elle ne m'écoute pas, mais je parlais avec hier avec elle et je vais l'appeler aujourd'hui. Et je vous fais un gros bisou. J'étais très, très contente de passer dimanche dernier avec vous. C'était un grand plaisir. Ah, nous aussi, on a bien rigolé, hein. Ah oui, ça c'est clair. Parce que les bêtises sur bêtises, forcément, ça se fait. Ah, mais ne pas tout encore, parce que vendredi, j'étais au restaurant, et j'ai raconté une grosse bêtise. Voilà, comme d'hab. Comme d'habitude, et à ma formation, c'est encore pire. Ah là là, tu nous raconteras tout ça quand tu reviendras. On va te laisser parce qu'on va quand même libérer l'antenne. Et oui. Puis, on va passer donc une petite musique pour vos mamans. Bon, ben, on va choisir une ou deux. Est-ce que toi, tu veux un titre particulier? Non, je vous laisse le choix. D'accord, donc on a deux chansons à choisir. Et je souhaite une bonne fête de maman à maman de Fernando aussi, qu'elle nous écoute. Oui, oui. Et un gros bisou à tout le monde. Bonne fête à toutes les mamans, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bisous, bisous, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, petit robinet, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Márcio Pereira. Olá, Carlos Nunes. Estamos aqui à tua espera. A tua terra vai voltar. Vai chegar à tua terra com alegria. Vais voltar mais uma vez. Passa férias no verão. Sentes que é bom ser português. Muitas saudades tens no coração. Àquela serra, onde cantinho à beira-mar. Christophe Malheiro, Vangalota Remix 2020. Ayokuduro, Christophe Malheiro. Às 10 horas e 44 minutos na Rádio Open FM 97.9. As Vozes de Portugal. O sol, a praia e o calor de se estivar. Vendo as garotas desfilando pela rua. O sangue sobe, a gente quer subir à lua. Chega à vontade de pular teu corpo ao meu. E sem pensar, pôr os meus lábios nos teus. A noite inteira iluminados de paixão. Com este ritmo que faz perder a razão. La voilà, ta chanson, Fernando. C'est donc ça y est, Para os Braços da Minha Mãe, c'est pour ta maman, et c'est donc Marco Paulo. Exactement, voilà, Marco Paulo, Para os Braços da Minha Mãe, para a mãe do Fernando, que está em Normandie. Duas léguas de nada, não sei. Que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa. Embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar. trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Com pombas no beiral, fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão, comprei amor. Casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vai. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já a memória e raiz, ninguém sabe. Para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Olá, bom dia, Fernando Elísio Silva. De Portugal. Hoje é terça-feira, um dia de shopping dobrado, ai que deu tudo errado, nós falamos demais. A mesa do boteco, agora qual dos dois foi mais esperto? Amiga, hoje estamos iguais. Conta pra mim, vai. Sabe aquele traje que eu te apresentei, aquele que na vida eu mais gostei, sumiu e até hoje não ligou. O meu cachorro ele levou. Sabe, a minha história é bem pior que a sua. Ele me mandou embora, eu tô na rua, só com a roupa do corpo, nem dinheiro ele me deu. Hoje você vai ter que pagar. É assim. Amiga, por favor, vira essa dose aqui comigo. destilando na calçada. Assim, assim, assim. Marília, diz aí. Vira essa dose aqui comigo. Sabe o cara que tava sumido? E aí? Disfarça e não olhe de uma vez. Tô vendo outra beijando seu ex. Agora é sua vez. Na calçada. On peut réexpliquer à Marie Erix. Oui, toute façon, on va lui expliquer. Il faut qu'elle reste sur la page pour nous parler des voix du Portugal. Donc, mais elle coupe le son en haut. Et à côté, elle met la page. Ah, il faut que je le dise en portugais, parce qu'elle est au Portugal. J'ai oublié. Tem de pôr numa página as vozes de Portugal e pode falar connosco por esse meio. Mas tem que cortar o som em cima, ao pé do título. E depois tem que pôr noutra página a rádio, que é www.radiopenfm.fr, e aí passa a música sem poder falar. Por isso, pode ouvir a música e depois vai para a outra página. Tem que ter duas páginas abertas. E na música não corta o som. Corta só o som na página das vozes do Portugal. Voilà. Ok, on a un petit coucou. Alors là, ça me fait plaisir de Carlos qui va m'envoyer un nouveau titre. Oui, j'ai vu ça. Dans la semaine. C'est super sympa. J'ai été un peu occupé. Pas de soucis, Carlos. Au moins, ça prouve que tu travailles. C'est ça. Maintenant que on a la liberté, hein, il faut travailler maintenant. Hein. Oui, la liberté de penser, comme dirait l'autre. Morena africana. Bem-vindo a todos neste domingo de manhã na Rádio PNFM 97.9, as vozes de Portugal, das nove ao meio-dia. Lágrimas caem por ti com a mesma força. sou a mulher que canta pra ti. C'était de la part de Maria Betty pour sa maman. C'est Lucie Main. Oui, c'est ça. E agora não posso ficar calado, não é? Não posso ficar calado. Carlos Nunes. Cala-te, cala-te. Não posso ficar calado. Sim, sim. Não, não posso. O triste olhar de uma criança. O que é que eu posso fazer para ele voltar a ter esperança, sentindo cá de tão longe o desespero no seu sorriso. Gostaria de o ir buscar para ele viver no meu paraíso. Não posso mais ficar calado, ficar calado e ver um povo inteiro a sofrer. Armas, matar o irmão dá-lhe alegria. viver. Chercher qui vit dans mon paradis. Ils ont toujours vécu ensemble comme des frères, avec amour parfois des larmes. Mais aujourd'hui c'est la guerre, on se parle plus qu'avec des armes. Je ne peux plus me taire et laisser faire, je ne veux plus te voir souffrir. Hello, Carlos Nunes. Rony de Melo, direto ao seu coração. Rony de Melo. Chanteur Ronnie de Mel. Ronnie de Mel. Oh, quero. Sim. Bom dia, Sofia. Christophe Malheiro, Vagabundo do Amore. Havia tanto por falar, mas a vontade já não está. Já nem sequer um olhar disfarçado haverá. Até mesmo uma palavra, mesmo errada, vais tentar. Saco às costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. Faz seu destino no amor, é igual. Quando já não há saída, é melhor pôr um ponto final. Esta vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco às costas, moto aos berros, vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Ai, o Christophe Malheiro. Abri as portas ao mundo, na rádio, procurando onde está FM 97.9. E virei vagabundo. Si vous voulez décaler un dimanche, hein, pour... Ah, ça, il faut s'arranger, moi, je sais pas. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. Era o Christophe Malheiro, Vagabundo Amour. Ah, il se rigole, ça se rigole. Ah, il est pénible à mettre le micro sans dire. Tania, Coração Dividido. Je crois que Mouni t'a répondu. Hein. Oui, mais je réponds. Elle répond. Marina. Et c'est donc à toi l'honneur de dire le titre et le chanteur. Vas-y. Vive il senti mai. Mai. Nando Pereira. Voilà. Ah, ah enfin. T'as tout de même. En plus, il dit ça suavement. Oui. Allez, c'est de la part de Gisèle pour toutes les mamans. Bem-vindo neste domingo de manhã das 9 à midi, na rádio Open FM 97.9, as vozes de Portugal. Aqui ficou vazio na hora do adeus. Ninguém irá ocupar dentro de mim o teu lugar. Ainda não entendi o porquê de viver sem ti. A palavra dentro de mim o teu lugar. Ça, c'est à cause de l'eau, ça. Non, c'est qu'elle est en voiture. Non, non, mais c'est à cause de l'eau. Qui passe dans le petit robinet, grand robinet. Ah, c'était Gisèle. Ah, c'était Gisèle. Oh, Gisèle, ça grésillait. Ai, são tão belas as da Madeira. São de tirar o chapéu logo à primeira. Não há, não há. Tenho a certeza, mulher, mulher, como a portuguesa. Não há, não há. Tenho a certeza, mulher, mulher, como a portuguesa. Ai, acho que longe está. O seu país tem aí no coração. Ai, acho que longe. O seu país tem aí no coração. Não há, não há. Tenho a certeza. Mulher, mulher, como a portuguesa. Não há, não há. Tenho a certeza. Mulher, mulher, como a portuguesa. Allez, c'est parti avec José Malo. Amorena. De Codurna, Radio PNFM 97.9 à Svoz de Portugal. Ah, c'est mieux qu'au début, hein. Ça y est, slash. Ben oui, parce que. Il est déjà 11h30. 11h30. Allez, c'est parti. Vamos lá dançar o Kuduro. José Malho. Balada boa. Gustavo Lima. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero que te com você na madrugada. Dança, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero que te com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. E hoje Gustavo Lima. Gustavo Lima. Et l'un ne va pas sans l'autre. Michel Tello. Aïe, aïe. Nossa, nossa, assim você me mata. Aïe, se eu te pego. Aïe, aïe, se eu te pego. Eh oui, on retrouve le soleil. La musique du soleil. Assim você me mata. La radio PNFM 97.9. Coucou Flo, je te souhaite un bon anniversaire Flo. Ça peut passer mais bon. Et bon courage à Sofia. Un sábado, na, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Ei. Nossa, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? 11 horas e 39 minutos. Sim, sim. Ai, se eu te pego. Denise Brit. Coduro. Loirinha. Ei, vamos lá. Merci Carlos. Bon dimanche à toi aussi. Et à très très bientôt. Puis j'attends ton... Bon dimanche. Et j'attends ton nouveau titre dans la semaine prochaine. Merci Carlos. Kuduru. Loirinha. Tu la connais, mais il ne veut pas chanter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu la connais, mais tu ne veux pas chanter. Ah, mais moi, je ne sais pas chanter. Loirinha. Oi, loirinha, quebra que eu gosto, estou por você. Oi, loirinha, quebra que eu gosto, estou por você. Chega de mim, chega pra cá. Aí vamos dançar o Roça Roça. Nas vozes de Portugal. Nemanus. Ai, ai, Roça Roça. Onze horas e 44 minutos. Já estamos no fim da emissão. Por ela para poder encontrar, eu mas sei que não a esqueci, desde que ela foi o meu par. Como o sol que a noite escondeu, eu procuro o seu amor ao ir, que me roubou o coração. Já estou sem saber mais o que fazer, estou sem controlar o que mais pensar. Aroma secreto, charme e sedução, morena gostosa. Desde que ela foi o meu par, como o sol que a noite escondeu, eu procuro o seu amor, Aue, que me roubou o coração. Já estou sem saber mais o que fazer, estou sem controlar o que mais pensar. Aroma secreto, charme e sedução, morena gostosa, pura tentação. Ai, ué, no roça, roça, ai, ué, nos pega, pega. Ai, ué, por causa dela, ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça, ai, ué, nos pega, pega. Ai, ué, por causa dela, ai, ué, perco a cabeça. É isso mesmo, Nuno. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, nos pega, pega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, nos pega, pega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Bonjour, ils ont assaillé, tu es réveillé. Ah, ben dis donc. Ça faisait longtemps, mon. Le temps que la fin, on arrive. Et bonne fête à toutes les mamans de la part d'Isora. É Rony de Melo. Você fugiu de mim sem me dizer adeus. Por que agiu assim? Matando sonhos meus e sem explicação. Diz que não vai voltar. E se você voltar e encontrar alguém tomando seu lugar, vai se lembrar também. E já me fez sofrer, e já me fez chorar, te pedindo pra ficar. É nessa hora que você vai se lembrar do dia em que resolveu me abandonar, e sem nenhuma explicação me fez sofrer, me fez chorar. Vai se lembrar. E como água pelos dedos me perdeu. E agora quer voltar. Você fugiu de mim sem me dizer adeus, porque agiu assim, matando sonhos meus e sem explicação. Diz que não vai voltar. E se você voltar e encontrar alguém tomando seu lugar, vai se lembrar também que já me fez sofrer, que já me fez chorar, te pedindo pra ficar. É nessa hora que você vai se lembrar o dia em que resolveu me abandonar, e sem nenhuma explicação me fez sofrer, me fez chorar. Vai se lembrar também que um dia já fui seu, e como água pelos dedos me perdeu. Bien, on repart. Ça me fait du bien. Tu vas faire la fin. artiste, c'est en forme. Ouais, en pleine forme. Moi toujours. Mais pour le tournage. Oui. Parfait. Comment? Bah écoute, je vais t'expliquer un petit peu les détails. Vas-y. Le plan aussi sur. Ah, c'est le making of de Señorita. Christophe Maleiro. Chaleur de l'été, oh, son latino tombé en chaîne, commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. Achata et Mireille, sur la piste et Henri, tout tu danses. Sous cette mélodie cadencée, c'est le moment de tenter ma chance. Sabes que te quiero, que tu dime moi. Quiero ver tu cuerpo balançar. Señorita, tu es déjà rien qu'à moi. Ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire, tu incarnes le plaisir. Ma tête se met à deviner tous les secrets de l'âme. Vous cherchez depuis toujours. Je suis comme un sorcelé que j'en perds mon alphabet. Sabes que te quiero. Hasta el fin, tu cuerpo solo para mí, señorita. Tu droit tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu droit tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, fait quelque chose chez elle. Christophe Maleiro. Señorita. Ça va, c'est parti. La nuova volta. Alma Nova. Ela não volta, mas eu. saudade vai chegar. Braços, volta pra me amar. Então ela volta, ela volta para os meus braços, volta pra ficar. Dans l'après-midi ou dans la soirée, pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM, 9h midi, bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Et voilà, voilà, tout que bon acaba depressa, hein? Bon, vamos dizer bon domingo a todos, bon princípio de semana, e eu não digo até a semana que vem, mas já até daqui 15 dias, bom, c'est tout, hein? C'est tout? Ah, bah oui. Então vou ficar sozinho domingo, não é? Não, vais ter o Nuno. Ah, o Nuno. Vai ficar Nuno, então. Vamos a ver isso. Vamos. Das 9 ao meio-dia, no domingo de manhã. É, das 9 ao meio-dia. Pronto, on va se quitter comme ci, comme ça. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, une très bonne semaine. Et on se retrouve donc, sans Maria, dimanche prochain. De 9h à midi, les voix du Portugal, Radio Open FM 97.9. Ses obligations familiales. Ben oui. Prochain. Et oui. Et oui. Allez les amis, ciao, bye bye et à dimanche.